fille en moi, celle qui pleure tout bas. L'une me dit que tu m'aimes, mais l'autre ne le croit pas. Pour les deux, j'ai de la peine, il y a deux filles en moi. L'une dit j'ai de la chance, et pour lui j'ai tant d'amour, que mon cœur aura confiance, attendant son retour. L'autre dit demain peut-être, il ne me reviendra pas, la maison sera déserte, la vie s'arrêtera. Il y a deux filles en moi, celles qui chantent la joie. Il y a deux filles en moi, celles qui pleurent tout bas. Mais leur amour est le même, et les deux n'aiment que toi. Mais leur amour est le même, il y a deux filles en moi. Il y a deux filles en moi.